j'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre école. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas me coucher. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre école. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à mon Facebook. J'irai pas à mon Facebook. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à mon colonie de vacances. J'irai pas, j'irai pas. Bienvenue, bienvenue dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste mensuelle sur Radio Audio 89.5 FM qui chaque premier mercredi du mois à partir de 17h vous dira à bas l'armée, vive l'amitié. Une émission qui vous ramènera malheureusement à la triste réalité mortifère du militarisme, du complexe militaro-industriel qui nous entoure. Mais c'est aussi une émission dans laquelle on peut rendre compte d'actions passées, présentes ou à venir contre le militarisme, contre l'industrie de mort. Des actions plus ou moins fougueuses, mais qui existent pour faire, ici ou là, des pieds de nez à ce monde mortifère. Bienvenue donc, il est 17h04, on est le mercredi 7 juin 2023, et aujourd'hui, l'Assemblée nationale vote la loi aux 413 milliards. La loi de programmation militaire, mais on en reparlera. On va d'abord commencer par un petit retour historique sur la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Alors, je crois que j'ai mal mis mon micro. Voilà. Là, ça marche un peu mieux, peut-être. Alors, un petit retour historique sur la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Et puis après, on reviendra sur l'actu nationale et locale et on se lira quelques textes. Alors, la manufacture d'armes de Saint-Étienne, on se base sur plusieurs sources plus ou moins ésotériques, comme Internet ou le journal d'enquête critique stéphanois Le Couac, mais aussi sur une source tout à fait officielle, éditée par la ville de Saint-Étienne, la petite plaquette intitulée Parcours Saint-Étienne, manufacture, cité du design. Elle est déjà très riche. Et j'ai vraiment un problème de micro, en fait, je crois. Si je monte le son, ça sature. Là. Alors, la première moitié de ce document retrace l'histoire de ce lieu, qui a servi, entre autres, à fabriquer le fameux FAMAS, le fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Et dans la deuxième, on verra que ce lieu a fabriqué des ingénieurs de la mort ou des expertes en gentrification. Mais ce sera pour une deuxième partie. Commençons par l'histoire. Au XIVe siècle, Saint-Étienne est déjà réputé pour la fabrication d'armes blanches, puis pour les premières armes à feu. Les forgerons utilisant les ressources locales, la houille abondante et les cours d'eau pour la force motrice. À tel point que l'armurerie devient une des activités économiques essentielles à la ville au XVIIe siècle. On compte par exemple 50 canonniers et 600 armuriers en 1669, donc sous Louis XIV. Mais en 1764, sous Louis XV, Monsieur de Montbéliard, officier supérieur du corps royal de l'artillerie, est envoyé à Saint-Thé pour réorganiser la production des armes de guerre, c'est-à-dire réunir les différents entrepreneurs en une seule société à laquelle le roi accorde son monopole. C'est la naissance de la manufacture royale. Mais cette manufacture royale, elle n'est pas encore place Carnot. Elle est encore organisée autour d'artisans qualifiés, j'insiste, d'artisans qualifiés mais dispersés dans la ville. Dans les 100 années qui suivent, à part le fait qu'il y aura la Révolution, puis l'Empire, puis la Restauration, puis la Seconde République, puis le Second Empire, il y a un changement majeur. Celui que la plaquette appelle la rationalisation de la production. En effet, en 1864, Napoléon III confie à Frédéric Guillaume Kreutzberger la conception de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Sur 12 hectares, un palais industriel et militaire, alternant briques rouges et pierres de calcaire, vous avez reconnu bien sûr le site qui est vers la place Carnot, qui va rassembler des milliers d'ouvriers spécialisés. Alors le terme d'ouvrier spécialisé est important, parce que jusqu'alors, rappelez-vous, on parlait d'artisans, qui détenaient plus ou moins leur savoir-faire et leurs moyens de production, avec leurs limes et leurs établis. Ces artisans céderont leur place à des ouvriers spécialisés travaillant sur des machines-outils. Industrialisation, rationalisation, les armes deviennent des objets standardisés et sont produites à des échelles démentielles. Par exemple, en 1891, 8800 Manuchars fabriquent 1550 fusils Lebel par jour. Donc là, en 1891, c'est la Troisième République. On a sauté la guerre avec la Prusse, pour laquelle la manufacture avait fabriqué les fusils Chassepot en grand nombre, dès 1866. Alors pourquoi j'insiste sur les différents régimes sous lesquels la Manu produit des armes ? Revenons en 1866. Les tensions avec la Prusse amènent à produire plein de fusils pour aller guerroyer. Et quand Mac Mahon, maréchal de France sous Napoléon III, perd la bataille de Sedan, il se sert ensuite de ses troupes et de leurs fusils Chassepot pour écraser quoi ? La commune de Paris. Tout ça pour dire que la même manufacture, en produisant des armes, sert à défendre, avec des gros guillemets, la monarchie, puis la République, puis l'Empire, puis à nouveau la République. En fait, on sait pas trop qui ça défend, quoi. Puisque une arme, si besoin est de le rappeler, ça sert à tuer. On peut pas séparer les bons et les mauvais usages, tantôt pour la monarchie, pour l'Empire, pour la République, pour écraser la commune. Voilà. Alors, ça, c'est pas écrit dans la jolie plaquette, mais par contre, il y a cette phrase, page 8. Accrochez-vous. La manufacture conserve un statut stratégique pendant l'occupation et travaille pour l'armée allemande. Intéressant, non ? Ça me rappelle ce que me disaient mes parents, que je salue au passage, que si je me balade avec un couteau pour me défendre, toujours avec des guillemets, on pourrait me le prendre et l'utiliser contre moi. Je sais pas pourquoi, ça me fait aussi penser à la centrale nucléaire de Zaporijja, mais c'est peut-être un autre sujet, libre à vous de l'interpréter comme vous le voulez. Pour l'instant, on en était à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, comme si de rien n'était, la plaquette nous dit que la manufacture d'armes a travaillé pour l'armée allemande, et la phrase suivante, « Elle est touchée par le bombardement allié du 26 mai 1944 ». Une phrase toute simple, mais ce bombardement américain n'a pas fait que abîmer la manufacture. Les bombardiers B-17 de l'armée américaine ont lâché 440 tonnes de bombes sur Saint-Étienne, tuant 925 personnes, blessant 1400 personnes et faisant 25 000 personnes sinistrées. Il y a un monument à Tardy qui sert à se rappeler de ce bombardement allié, parce que du coup l'école de Tardy avait été bombardée ce jour-là. Alors j'avais retrouvé des témoignages dans les archives municipales de quelques personnes qui se remémorent ce bombardement, et je vais vous les passer, et peut-être que je vais changer de micro en même temps. Alors, L'Arcep municipal nous... qui lui a prêté l'argent, ça ne lui a rien coûté, elle a pu prévenir sa maman. Les gens étaient très sympathiques. Ah oui, c'est ce que je dis, voilà. Oui, c'est un problème. Qui était sous les bombes ce jour-là? Ben bon. Moi j'étais pas sous les bombes. Ah moi j'étais, oui, ça je peux voir. J'étais à... Je sais pas comment je suis là aujourd'hui. Vous croyez que je viens parler au micro? Je sais pas pourquoi je suis là. Moi j'ai mon signal. Moi, j'avais 7 ans à l'époque, mais vous savez, à 7 ans à la guerre, on se rappelle de tout ce qui se passait. Et c'était le jour, on allait à l'école un jour sur deux. J'étais à l'école libre, place Giraudet, et j'habite toujours, boulevard Augustin-Thierry, le long de la voie ferrée, à l'angle de la rue Boisson, de la rue Albert Ier, vers l'immeuble EDF, vous voyez. Alors, c'est-à-dire que la voie du chemin de fer passe comme d'ici la porte, quoi, de notre visite. Voilà. Et alors, quand l'alerte a sonné, je m'amusais, j'ai continué à m'amuser, ma mère a continué son phobie, et mon père travaillait à la Manu, et dès que les alertes sonnaient, on les lâchait. Alors, on a vu arriver mon père. Une alerte. Tout le monde, personne ne bougeait. C'est ce que je disais, ça n'arrive pas. Et alors... Tout d'un coup, je dis à ma mère, regarde ces machins blancs là-haut. Et c'était des avions. Et après, on l'a su que c'était des avions. Et il y avait un train qui descendait, on l'avait tourné vers la rue de Montaut. Une machine toute seule, une machine au pied. À ce moment-là, ça a commencé à péter sur la Château-Creux. Le bonhomme, il a renversé la vapeur, il s'est arrêté juste devant notre balcon. Il était de cette couleur. Et bien voilà, à peut-être une minute près, il allait se trouver dans le... Et alors il est sorti de sa loco. Il est là, mais il ne pouvait pas bouger. Alors ma mère le regardait. Alors on a vu. Alors là, maman a dit il faut partir. Mais on avait une grand-mère paralysée, aveugle et tout. On disait on ne peut pas la laisser. Et puis il y avait une vieille voisine qui a dit eh ben moi je vais rester avec. Alors elle est restée avec ma grand-mère en priant au bon Dieu que. Bon. Et nous on est descendus, mon père, ma mère et moi. Ma mère a pris une valise. Mais dans l'abri ou dans l'abri? Non, on n'aimait pas les abris. Ah bah oui, mais, c'est ça. On avait une vieille cave et tout. Et ma mère a pris une grande valise, elle a mis la première chose qui lui est tombée dedans, elle l'a mis dans la valise. Oui. Quand on a ouvert, c'était un tablier sale. Et puis, oui, on a dit, on va monter au Cré de Montaut. Un train de cheval. Alors on a monté, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la rue, le quartier de Montaut. On a monté la rue du Four. Moi, oui. Je me suis mis à avoir une peur, là. Mais une peur. Je me suis mis à pleurer. Ma mère m'a dit, mais non, il ne faut pas pleurer, ce n'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Alors là... Mais oui, on attendait de taper. Et alors j'ai eu une idée. Alors voilà, un premier... Ah ben ça a l'air d'aller mieux ce micro. Un premier témoignage, je vais vous en passer un second. Que voici, je le cherche. Mais il y en a eu à ce rayon. 2000 en une heure. Oui, et puis on lâche pas. Et vous, monsieur, vous êtes monsieur Mazancieux. Je me trouvais à Bel Air. J'habitais Bel Air. J'avais 13 ans. C'était une messe d'action de grâce, de la renouvellation, quelque chose comme ça, à Montaut. Donc le temps de remonter, 9h15, 9h30. Le temps de déjeuner, 10h. Donc ça correspond à peu près à 10h, 10h15. Première vague, on regardait bien sûr ces petits avions, c'était magnifique. Deuxième vague, troisième vague, c'était... Et puis tout d'un coup, un bruit effroyable. On aurait dit un avion qui faisait du rase-boîte. Hmm? Ça roulait, ça roulait. Ça roulait. Et puis tout d'un coup, bang, bang, bang, bang. Alors à ce moment-là, Nice, c'est pour Saint-Étienne, il faut se mettre à l'abri un peu plus loin. Donc nous avions les jardins ouvriers qui étaient tout de suite après, en direction de la terrasse, sur le plateau, où il y avait d'ailleurs des mitrailleuses qui étaient installées hein, en DCA. Et deuxième coup, c'était pour Bel Air, donc on avait juste le temps de sortir du jardin, de se mettre à plat ventre, parce qu'il y avait effectivement une personne qui nous aimait. Et à ce moment-là, bon, c'était à 150 mètres à peu près de où j'étais. Donc la grande gerbe qui est montée, effectivement, j'ai vu des corps qui. Peut-être qu'à quel endroit exactement là ? J'étais à 20 rue Édouard Petit. Rue ? Rue Édouard Petit. C'est... En diagonale par rapport au casino, enfin, on s'est acheté. La chapelle de Bel Air. La chapelle de Bel Air. De Bel Air, oui. Ben oui, d'accord. Alors j'étais en diagonale par rapport au quartier de Bel Air. À côté de la chapelle. Oui, c'est là où je le sais. Donc là, les vides qui dégringolent de tous les côtés. Et après, on est parti dans la pleine nature. Et à ce moment-là, les gens, les blessés, nous rejoignent, ça s'est mis de tous les côtés. Ce qui a eu pas mal de morts à Bel Air, c'était surtout des manuchards. Parce que la Manu, lorsqu'il y avait des alertes, en profitait pour monter jusqu'à la Vidourette, ou au petit Boulogne, donc on descendait. Voilà les quelques témoignages. On peut retrouver plus d'une heure de témoignages dans les archives municipales de Saint-Étienne. Voilà. Du coup, pendant ces bombardements, apparemment, ça, donc je vous ai dit que ça a fait presque 1000 morts, 25 000 sinistrés. Et on estime qu'il y a 9 bombes sur 10 qui ont raté leur cible et qui donc ont tué des habitantes de Saint-Té. Mais c'était des bombes amies. Hein. Alors, après la guerre, la MAS, la manufacture d'armes, diversifie sa production. Vers des armes munitions, des tourelles et les équipements pour blinder, vers la défense chimique et nucléaire. Pendant quelques années, c'est le FAMAS, dont je vous parlais en début d'émission, adopté par l'armée française en 1979, qui va maintenir l'activité de la manufacture jusqu'aux années 90. Puis la manufacture deviendra une entité du GIAT, Groupement Industriel des Armements Terrestres, le GIAT qui deviendra lui-même Nexter. On a déjà parlé de cette entreprise. Et autour de 2010, le site deviendra la cité du design, le quartier créatif avec l'école du design, etc. Alors on pourrait croire en parcourant la brochure que le lieu a fait peau neuve, qu'il y a eu une transition, qu'on n'y parle plus que culture, art et design. Mais en lisant entre les lignes, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait le cas. Alors, on marque quand même une petite pause, mais ce n'est pas une transition. Vous allez voir, on va revenir vers le côté militaire de ce quartier. On marque une petite pause avec une dédicace secrète. Bisous, à tout de suite. Écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. La fumée du bœuf bourguignon, toute la famille tête dans le guidon, du temps pouvait faire les cons. Les pensionnaires, les habitués, les gens de passage sur tout l'été, joyeux bordel dans mon café. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Balayer la terrasse, envoler le bout de chou, envoler les miettes de nous. Je traîne les pieds, je traîne mes casseroles. Je n'aime toujours pas l'école. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 FM dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste mensuelle tous les premiers mercredis du mois. Alors, on était en train de retracer un peu l'histoire de ce qui a été avant la Cité du Design, la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Dans la première partie, du coup, on racontait un bout d'histoire de la manufacture d'armes et on faisait une fausse transition. Pour dire que, en fait, il y avait encore l'industrie militaire qui rôdait pas très loin, même si on appelle ça le quartier créatif, la cité du design. On va voir pourquoi. Alors, déjà, le bâtiment qu'on appelle la Platine, qui abrite la médiathèque, porte le nom qui rappelle en fait la partie de l'arme où se trouve le mécanisme de mise à feu. Sympa, non ? On trouve aussi dans ce quartier le pôle universitaire, optique et vision, fruit de la collaboration de l'université Jean Monnet avec l'entreprise Thales Ingénieux, une entreprise spécialisée dans l'optique pour le cinéma et aussi pour usage militaire, principalement des jumelles de vision nocturne, nous dirons sa fiche Wikipédia. C'est cette même entreprise, Thales, qui admet avoir vendu, par des contrats qui datent d'avant l'embargo, précise-t-il, du matériel à l'armée russe, matériel qu'on a retrouvé en Ukraine en 2022. Mais on y reviendra. Et c'est pas tout pour le quartier créatif. Le numéro 7 du journal stéphanois Le Couac, dans son dossier « Synthé sous contrôle », qui doit dater de autour de 2019, nous dresse le portrait d'un homme qui a l'air d'avoir tout à fait sa place dans le quartier créatif et culturel. Il s'agit de Eric Petrotto, cofondateur de la fabuleuse cantine. Cette cantine à petit prix qui récupère les invendus alimentaires et les rend marchands à nouveau alors qu'ils étaient gratuits. Sympa, non ? Mais Eric Petrotto ne finance pas que cette start-up via sa holding Doud, il finance aussi Serenicity, une autre start-up que les Stéphanois et Stéphanoises connaissent bien, dont le président est ou était en 2019 en tout cas Guillaume Vernet-Caron. Cette start-up, rappelez-vous, avait pour but d'installer des mouchards, tout simplement, dans les rues de Saint-Thé. Pour en savoir plus, vous essaierez de trouver le numéro 7 du Couac. Il vous réserve plein d'autres pépites croustillantes. Heureusement, la mobilisation des habitants et habitantes a fait échouer le projet conjoint avec la mairie d'installer des micros dans les rues de Beaubrun et Tarentaise. Voilà, je m'étais promis de rester dans la cité du design, de ne pas traverser la rue Adolphe Thiers qui la borde, et donc de ne pas parler de Vernet Caron. On attend toujours de savoir où ils vont déménager. Si vous avez des infos, vous pouvez écrire à jirepas@riseup.net. Ça serait quand même bien de constituer un petit dossier sur cette entreprise florissante stéphanoise. Pour finir, toujours dans le quartier créatif, donc du bon côté, on va dire, du boulevard Adolphe Thiers, on trouve une autre boîte qui bosse pour l'armée. C'est une filiale de Nexter. Souvenez-vous, Nexter, c'est le nouveau nom du GIAT. Il s'agit d'un agrandissement de l'usine de Saint-Chamond, NBC6, qui fabrique des masques à gaz et autres joyeusetés militaires. Voilà, on en avait déjà parlé le mois dernier. Ils se sont installés début mai, donc en plus de Saint-Chamond, aussi autour de la Cité du Design. On s'arrête là pour ce dossier sur la Cité du Design. Si vous avez des compléments à faire, n'hésitez pas à nous écrire, encore une fois, à jirepas@riseup.net. On écoute une chanson et on se retrouve après pour quelques actualités. Titube au-dessus des couveuses et croises de lugubres et funèbres berceuses qui se quittent. Pendant que nos sorcières sanitaires et barbues centrifugent nos clones au fond de leur cornue qui se quittent. De l'épaule brûle un tableau noir, une tresse est brisée en écrivant espoir qu'ils se quittent. Déjà les mitrailleuses ont regagné leur nid, seule une mouche bourdonne sur la classe endormie qu'ils se quittent. Qu'ils se quittent. Les guerriers de l'absurde et de l'enfer affrontent les délices de la mort sous le fer de la honte qu'ils se quittent. Aéroport ou Mozambique City, le sang des tout petits coule aux surprises parties qu'ils se quittent. Sacrifiez les enfants, fusillez les poètes, il vous faut tout ce sang pour animer vos têtes qu'ils se quittent. S'il vous faut tout ce sang pour jouir à vos fêtes, sacrifiez les enfants, fusillez les poètes qu'ils se quittent. He's the king. He's the king. Quelque part vos regards usés par le délire poursuit dans sa folie le chant d'un enfant lire. He's the king. Et dans ses yeux squaleux, brouillant de noires visions, le désir se transforme en dessin de scorpion qui se quitte. Petite poupée brisée entre les mains salaces de l'ordure ordinaire putride et dégueulasse qui se quitte. Tu n'es plus que l'otage, la prochaine victime sur le pêle écœurant de l'horreur anonyme qui se quitte. Sacrifiez les enfants, fusillez les poètes, il vous faut tout ce sang pour animer vos petits équipes. S'il vous faut tout ce sang pour jouir à vos fêtes, sacrifiez les enfants, fusillez les poètes, qui se quitte. Qui se charognard titube au-dessus des couveuses et croasses de lugubres funèbres berceuses qui se quittent. Pendant qu'un Abraham ivre de sacrifice offre à son Dieu vengeur les sanglots de son fils qui se quittent. qui s'accroche au ventre de la femme a déjà mis son casque et sorti son lance-flamme. Qui se tire? Attention, monde adulte, inutile et chagrin. Demain les kids en âme, demain les kids enfin, demain les kids. Demain les kids. Demain les kids. Voilà, c'était Tiefen, Demain les Kids. Vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 FM. Et on m'entend. Il faut encore que je monte le micro. Voilà. Ouais, là, c'est bien, ça ture quand je tousse. Je voulais passer à la partie actualité. Donc, comme je vous disais au début de l'émission, aujourd'hui, la loi de programmation militaire 2024-2030 est soumise à l'Assemblée. Pour rappel, le projet, c'est 413 milliards d'euros pour ces 7 prochaines années afin d'amener le budget de l'armée à 2% du PIB et de améliorer la dissuasion nucléaire avec les nouveaux sous-marins nucléaires de troisième génération, rajouter plein de nouveaux missiles. Vous savez, c'est cette fameuse dialectique de la dissuasion, c'est-à-dire qu'il faut s'armer le maximum pour dissuader la partie d'en face, qui va elle aussi s'armer le maximum pour dissuader la partie d'en face, etc., etc. Alors, il s'agit aussi de poursuivre l'effort de dronisation de l'armée. Dronisation de l'armée, c'est un nouveau mot que je ne connaissais pas et que Sébastien Lecornu, ministre des Armées, m'a appris dans sa brochure qu'on trouve sur défense.gouv.fr. Dronisation de l'armée, c'est tout simplement acheter et développer plein de drones. C'est l'entreprise Hexadrone de Haute-Loire, dont je vous parlais le mois dernier, qui doit attendre fiévreusement les retombées de cette loi. Dans cette loi, il s'agit aussi d'améliorer le renseignement militaire en augmentant considérablement le budget du renseignement. Il s'agit aussi de réquisitions militaires en temps de guerre et en temps de paix. Il s'agit de prioriser les livraisons au bénéfice des armées au niveau industriel, pour les stocks de munitions, j'imagine, etc. Donc réquisitions en temps de paix, faut voir, ça veut dire ce que ça veut dire. Ensuite, il s'agit de développer la guerre au niveau spatial et au niveau cyber, ça on en parle beaucoup. Enfin, de doubler le nombre de réservistes. Et pour finir, tenez-vous bien, Sébastien Lecornu nous parle aussi d'écologie, car cette loi prévoit de faire des bâtiments moins énergivores. Voilà, ça c'est pour rire, mais c'est quand même dans la plaquette de présentation de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, qu'on peut trouver sur défense.gouv.fr. Alors, des actus un peu plus régionales cette fois. Je vous parlais le mois dernier de... Ouais, là c'est bon. En fait, il y a un faux contact dans le bouton du micro, je crois. Ouais, c'est un peu chelou. J'espère que je vais pas me prendre une châtaigne. Alors, le mois dernier, je vous parlais du service national universel. Vous savez, ce moment de cohésion qui sert à raffermir un creuset républicain afin que les jeunes s'engagent. Eh bien, je vous disais que il y aurait la caravane SNU qui se tiendrait le 26 mai à Lyon. Elle s'est effectivement tenue, mais il y avait autour de ce petit village SNU qui servait à promouvoir le service national universel, près de 350 manifestants qui sont restés toute la journée pour manifester leur colère par rapport à l'embrigadement de la jeunesse, par rapport à ce dispositif qui coûterait énormément cher s'il était généralisé. Et voilà, donc c'était une chouette journée. Il se trouve que le lendemain, ils étaient attendus à Grenoble, ils étaient tellement attendus qu'en fait, ils ne sont pas venus. Ils ont préféré ne pas venir parce qu'il y avait aussi des manifestants et manifestantes dès 8h du matin sur la place qui était annoncée. Par contre, ils sont venus le 3 juin à Toulon. Ils ont bénéficié d'une jolie casserolade. Et enfin, la dernière date, c'est ce matin à Carcassonne. Et on y attendait aussi des casseroles. Moi, j'ai pas eu d'infos plus que ça. Peut-être que vous pouvez vous renseigner. Voilà, donc c'était la dernière date de la tournée de propagande pour le service national universel. Ce matin même à Carcassonne. On espère qu'ils ont été très contents de cette tournée qui a été sbeulée, je vous rappelle, depuis leur date à la ville de Nantes, où il y a eu pas mal de manifestations contre le SNU. Après, il y a eu Caen, Paris, enfin Versailles, etc. etc. Bon, on parlait de Grenoble. Alors, deux entreprises grenobloises sont pointées du doigt dans un article du Dauphiné Libéré du 13 mai 2023. Alors, je vais vous lire un petit extrait de cet article, ça va vous rappeler quelque chose. Des drones de surveillance russes munis de capteurs infrarouges grenoblois. Dans les drones et les missiles examinés, deux noms viennent percuter l'actualité grenobloise. ST Microelectronics et l'INRED. Cette dernière, donc l'INRED, établie à Veuré, près de Grenoble, et issue du CEA Leti, est désormais détenue par Thales et Safran, deux groupes français spécialisés dans la défense et l'aéronautique. En mars 2022, nous évoquions déjà dans ces colonnes le fait que la société iséroise avait continué de livrer des technologies à la Russie après l'embargo européen de 2014, en vertu de la clause dite du grand-père, qui prévoit qu'un contrat signé avant l'interdiction pouvait être mené à son terme, malgré l'embargo. 258 capteurs infrarouges avaient ainsi bénéficié à une société russe entre 2015 et 2020 pour un montant de 5 millions d'euros. Cette intelligence embarquée a également été retrouvée dans un drone de surveillance russe dont la caméra était équipée d'un détecteur d'image thermique baptisé Pico 640. Un site de défense ukrainien a également montré qu'un avion de chasse russe abattu fin 2022 possédait un ordinateur monocarte AM Pro sorti en 2007 qui a un processeur ST Microelectronics. Donc ça, ce sont les deux entreprises grenobloises qui vendaient du matos à l'armée russe. En interne, nous dira un salarié, on n'est absolument pas au courant de tout ça. On nous parle de téléphone, d'imagerie médicale, de voitures, de réduction de gaz à effet de serre. Ce que confirme Fabrice Lallemand, délégué syndical CGT à Soitec et animateur national de la filière microélectronique. « C'est pas ultra transparent », dit-il tout en euphémisme. « Nous interpellons nos directions pour avoir des informations, mais on n'y arrive pas. Nous aurons certainement besoin du relais d'élus pour en obtenir. Jusqu'ici, on reste à la surface du problème, c'est le moins qu'on puisse dire. » Voilà, ça c'était pour Grenoble. On peut revenir à Saint-Étienne. On n'a toujours pas de nouvelles du déménagement de Vernet-Caron, mais on sait que le 12 mai, comme depuis 2011, le trophée des arquebusiers, dont Vernet-Caron est partenaire, a récompensé des jeunes du lycée Benoît Fourneyron, qui a une section armurerie, dont on se doute que l'entreprise est très très proche. Et puisque Vernet-Caron fabrique des lanceurs de balles de défense et des lance-grenades dont le tout dernier s'appelle le Matru, on en profite pour souligner que l'association Flagrant Déni prépare un guide à destination des victimes de violences policières. Si vous voulez aider au financement de ce guide, vous pouvez consulter le site flagrant-deni.fr. Je répète, flagrant-deni.fr. Et voilà, ça c'était la fin des actualités, on va dire, nationales et régionales. Et je voulais vous lire un texte qui n'est pas du tout d'actualité, mais un petit peu quand même. Il n'est pas du tout d'actualité parce qu'il date de 1902. Vous vous rappelez, le mois dernier, je vous avais lu un extrait du Manuel du Soldat. Le Manuel du Soldat qui était découpé en trois parties, la patrie, l'armée, la guerre. Le mois dernier, j'avais lu la deuxième partie qui est intitulée l'armée. Et là, j'ai envie de vous lire des extraits de la première partie qui s'intitule la patrie. Voilà. Alors, ça commence comme ça. Nos parents et nos grands-parents, tous nos malheureux aïeux, ont profité et ont surtout été victimes de ce mot magique, la patrie. Car il est un des mots qui ont le plus servi aux équivoques et aux mensonges. Il est un des mots qui ont le plus fait couler de sang humain. Combien ce mot a fait de dupes, combien il a fait de victimes. Il est nécessaire de s'appliquer à ce qu'il n'en fasse plus, en disant ce qu'il est, en démasquant ceux qui l'exploitent à leur profit. Nous avons grandi en entendant toujours parler de ceux qui ont vécu de la guerre ou qui sont morts sur les champs de bataille. L'on s'est complu à nous faire admirer les héros qui avaient beaucoup tué de leurs semblables. Dans nos jeunes cervelles, au lieu de développer nos bons instincts, instincts d'amour, instincts humains, l'on s'est appliqué à développer les mauvais, l'instinct batailleur, meurtrier, cruel, l'instinct brutal. Au lieu de nous faire admirer la bonté, au lieu de nous laisser plaindre la faiblesse, on nous a fait glorifier la guerre et respecter la force. Nos premiers jouets furent des sabres, des fusils, des casques, des drapeaux. On nous accoutuma dès l'âge le plus tendre à aimer l'uniforme en le mêlant à nos jeux, à manier avec une certaine prédilection des semblants d'instruments de massacre, à la veiller sous la lampe, en attendant le sommeil réparateur de la fatigue de nos jeux belliqueux, nous avons passé des heures à manier des fantassins et des cavaliers en plomb. Nos délices, pour nous délasser d'avoir joué aux soldats ou d'avoir couru devant les régiments, étaient de massacrer en effigie beaucoup de Prussiens avec des canons de cuivre et de bois dans des forteresses de carton. La patrie, dit-on, c'est le pays où nous sommes nés, où nous vivons, où nous travaillons, où nous participons à la vie commune. Il faut aimer notre pays. Mais ne l'aimons-nous pas, puisque nous voulons le bonheur par l'entente de ceux qui l'habitent, comme nous voulons le bonheur par l'entente de ceux qui habitent au-delà des montagnes, des fleuves, des mers. Ne l'aimons-nous pas, puisque nous aimons même ceux qui habitent autour de lui, dans les pays qui se différencient du nôtre, par le langage, les mœurs, les coutumes et le climat. Qu'est-ce que la France ? Est-ce un mot en tête d'un papier officiel ? Est-ce un morceau d'étoffe bleue, blanche, rouge ? Est-ce un gouvernement, une administration, c'est-à-dire quelques inutiles prenant une mine grave pour exploiter le travail des autres? Est-ce une succession de rois, d'empereurs et de généraux? Est-ce une étendue de territoire, telle rivière et telle montagne, telle plaine ou telle ville? Pas plus pour nous, Français, que pour un Anglais ou un Allemand, rien de tout cela ne constitue notre pays. Il faut à nos gouvernants un patriotisme étroit, qui soit bien une religion abêtissante comme toutes les religions. Il leur faut un patriotisme fanatisant, car le fanatisme est un excellent moyen de gouverner les hommes. Il faut que, rien qu'en prononçant ce mot « patrie », des inconscients puissent être conduits à toutes les aventures, commettre tous les crimes, ou absoudre et glorifier tous ceux qui les commettent. Il faut que, par ce mot, on puisse gruger, berner, asservir, abrutir de père en fils, comme on le fait depuis plus d'un siècle. Toutes les infamies, toutes les cruautés, toutes les affaires véreuses, tous les programmes menteurs ont eu ce mot pour devise « patrie ». C'est pour ce mot qu'on nous enferme pendant 3 ans, pour faire de nous des esclaves, peut-être des assassins ou des victimes de la brutalité des galonnés. Pour la patrie, on nous écrase d'impôts, pour la patrie et son armée, on nous extorque notre argent. Pour la patrie, nous sommes courbés 12 et 14 heures, tous les jours sur un labeur de bête pour un salaire de famine. Lorsqu'ils veulent nous prouver que nous devons rester pauvres, faibles, résignés, courageux et honnêtes au travail, c'est toujours l'intérêt de la patrie qui est invoqué par les riches et par les patrons, par les fonctionnaires et par les gouvernants. Ce mot « patrie » est en vedette sur les affiches où des candidats promettent les mêmes réformes que promettaient à nos pères leurs pères, à nos grands-pères leurs grands-pères. Tant que cette religion imbécile de la patrie continuera à nous en imposer, c'est-à-dire tant que nous n'aurons pas vu clair dans le jeu de ces prêtres, nous serons encore des esclaves. Voilà assez de mensonges, d'absurdités et de quiproquos. Il est temps d'en finir avec cette comédie sinistre. aux gens qui viennent nous dire à tout propos « La patrie exige, le pays réclame, il est temps de fermer la bouche une fois pour toutes. La patrie, c'est nous-mêmes, ou bien ce n'est rien du tout. Or, personne ne peut savoir mieux que nous-mêmes ce qu'il nous faut. La patrie n'est qu'un mot, c'est par ce mot-là que fut instituée l'armée, et c'est par ce mot-là qu'elle est maintenue. » Voilà, c'est, j'ai pris des petits bouts de ce chapitre qui s'appelle « La patrie ». Et si vous avez écouté l'émission précédente, la première phrase du chapitre 2, du coup, ça fait la plus affreuse conséquence du patriotisme, c'est le militarisme. Et du coup, on embraye sur le chapitre 2 qui parle de l'armée, que j'avais lu le mois dernier. Voilà, et ben, on va s'écouter une petite chanson et se dire au revoir juste après. On écoute Victor Tsoï, « Volk ». Et voilà, c'est la fin de cette émission J'irai pas, l'émission mensuelle antimilitariste tous les premiers mercredis du mois à partir de 17h. Donc on se retrouvera, et bien on a écouté Victor Tsoï, Volk, oui j'ai déjà dit, et donc on se retrouvera le premier mercredi du mois de juillet. D'ici là vous pouvez écrire à j'irai pas tout attaché @riseup.net, J-I-R-A-I-P-A-S @riseup.net, donc R-I-S-E-U-P.net. Vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 FM et on pourra entendre à partir de 19h la rediffusion de Plus fort j'entends rien, suivi de à 20h Dans ta bouche, et enfin à 21h Boogie, le blues dans tous ses états. Au mois prochain, d'ici là, à bas la guerre et vive la lutte. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Those who die are justified for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. Those who died are justified for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. You're justified. Those who died for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. You do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. 24 heures sur 24 sur le 895 de Radio Dio. Reste libre, sauvage et impertinent.